Comment me sortir de là? Perdu, le cul entre deux chaises de base. J'ai des doutes sur Dieu, c'est vrai quand je vois ce que je brave et ce que j'ai bavé. On m'avait dit ignorant, grandis et sois paré. La vérité, à l'heure qu'il est, je suis toujours au même stade. Toujours du mal à distinguer le faux du vrai. Traquer l'info, je devrais demande à Linka, le chercheur de vérité. Moi c'est Luca, toujours dans le doute, statut à vérifier. Chez moi la réalité me teste, pour moi le reste d'une inconnue à certifier. Info, rumeur, journaux, médias, je ne sais plus à quoi me fier. En fait, je plane dans une nébuleuse d'incertitude. Je me dis perché, mais peu importe l'altitude, il y aura toujours quelque chose au-dessus. Donc forcément, je me nourris de toute la force d'en dessous. À faire comme si ça ne m'atteignait pas, ben... Je reste torturé sans réponse, car mes questionnements ne s'éteignent pas. Torturé dans la vie comme dans mes songes, je dois sortir, j'ai pour regarder autour de moi. Je reste dans le doute et je vais pas te mentir. On pense prendre une bonne route et puis la suivre, mais sans savoir où elle mène vraiment. Je reste torturé sans réponse dans une vie loin d'être évidente. La réalité nous définit, le doute que j'ai pour elle peut se résumer à l'infini. Je finirai peut-être incompris à l'heure du grand final. Normal que certains partent sans idéal, le vague à l'âme jusqu'à l'heure du grand finish. Je veux plus me poser, y'a plus de relais. Et quand je relate les faits, on dit oublie, lâche l'affaire là. T'es relou, je me suis poussé au mutisme. Qu'est-ce que je fous là? À quoi je sers? Et est-ce que Dieu existe? Les plus croyants nous disent de trouver la foi pour être serein à la fin. Je veux juste partir bien en ne laissant rien sur l'ardoise. Et je croise les doigts pour croire en moi, tant que d'autres croient en ceux qui crachent les lois. C'est sur la pierre que je graverai mes choix, même s'ils mènent à des difficultés à marcher droit, à parler franc ou à lancer des froids, quitte à balancer des droits de crochet, chargé des froids. Je reste torturé sans réponse, car mes questionnements ne s'éteignent pas. Torturé dans la vie comme dans mes songes, je dois sortir, j'ai pour regarder autour de moi. Je reste dans le doute et je vais pas te mentir. On pense prendre une bonne route et puis la suivre, mais sans savoir où elle mène vraiment. Je reste torturé sans réponse dans une vie loin d'être évidente. Je reste torturé jusqu'à ce que l'alarme arrive, dans un monde où on se noie entre gargarisme et les actes de barbarie. Les déboires des débats sujets à la consommation, le pouvoir de l'argent, son idolation, son utilisation, pour certains son lot de consolation. Elle en a fait tourner des têtes, ouais, en provoquer des pertes de raison. Je n'attends plus les réponses depuis qu'on reste sourd aux questions. Alors oui, je m'isole, bien sûr, je prends du recul sans prendre de galon. C'est pas le but, j'évolue, j'évalue les points de chute. Savoir se retarder pour pouvoir mieux avancer, c'est pas facile, je sais, mais au moins je le fais. Du moins j'essaie, torturé sans réponse. Je cherche sans me presser, sans finir oppressé par l'œil du mensonge. Ouais, et ça beaucoup le savent. Ouais, ouais. Marionnettes humaines, considérées comme des bons citoyens. Yeah, réveillez-vous. Réveillez-vous. Je reste torturé sans réponse, car mes questionnements ne s'éteignent pas. Torturé dans la vie comme dans mes songes, je dois sortir, j'ai pour regarder autour de moi. Je reste dans le doute et je vais pas te mentir. On pense prendre une bonne route et puis la suivre, mais sans savoir où elle mène vraiment. Je reste torturé sans réponse dans une vie loin d'être évidente.